Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lem. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. 9e émission. Sur le fond d'un ciel bleu pâle et d'une plage de sable presque déserte, labourée de sillons comme un champ par des engins, se découpe un petit groupe serré de deux femmes et deux hommes. Les quatre visages rapprochés sont partagés chacun en une zone sombre et une zone lumineuse par le soleil qui vient de la gauche. Les deux hommes au centre se ressemblent. La trentaine, même taille et carrure, une calvitie naissante chez l'un, avancée chez l'autre, même barbe de quelques jours. Le plus à droite tient par les épaules une fille jeune, petite, avec des cheveux noirs encadrant les yeux et les joues pleines. L'autre femme, à l'extrémité gauche, d'âge mûr incertain, des rides sur le front touchées par la lumière, des taches roses de blush sur les pommettes, contours amollis du visage, des cheveux coupés au carré, un pull beige avec un foulard noué lâchement, une perle à l'oreille, un sac en bandoulière évoque la citadine aisée des week-ends sur la côte normande. Elle a le sourire doux et distant de ceux qui, parents ou profs, sont photographiés seuls avec des jeunes. Une façon de montrer qu'on n'est pas dupe de la différence de génération. Tous quatre se tiennent face à l'objectif. Les corps et les visages immobilisés dans la posture fixée dès les débuts de la photographie. Pour attester qu'ils ont été là ensemble, dans le même lieu et le même jour, pris dans la même absence de pensée autre que celle d'être bien. Au dos, Trouville, mars 1999. C'est elle, la femme avec du blush. Les deux trentenaires sont ses fils. La fille jeune, la copine de l'aîné. Celle du cadet prend la photo. Pourvue au fil des années de revenus confortables de professeur hors classe, elle paie à tous ce week-end au bord de la mer par désir de continuer à être encore la donatrice du bonheur matériel de ses enfants, de compenser leur éventuelle douleur de vivre dont elle se sent responsable en les ayant mis au monde. Elle a pris son parti qu'ils vivent malgré leur bac plus 6 de CDD, acédique, pige, selon les mois, dans un pur présent de musique, séries américaines et jeux vidéo, comme s'ils poursuivaient indéfiniment une existence d'étudiants ou d'artistes impécunieux, dans une bohème d'antan généralisée, si loin de l'installation qui a été la sienne à leur âge. Ils ont marché jusqu'aux Roches Noires, l'escalier qui porte le nom de Marguerite Duras. Reviennent. Dans la lenteur, la contemplation vague d'une déambulation en groupe, l'ajustement désordonné, rompu des pas, peut-être a-t-elle éprouvé, regardant les dos et les jambes de ses fils qui la précèdent avec leur compagne, entendant leur voix grave, une espèce d'incrédulité. Comment se fait-il que ces hommes soient ses enfants? Sûrement, comme dans les occasions espacées où elle se retrouve avec eux, réendossant le rôle maternel qu'elle n'exerce plus qu'épisodiquement, elle ressent l'insuffisance du lien maternel, la nécessité pour elle d'avoir un amant, une intimité avec quelqu'un que réalise seulement l'acte sexuel et qui lui sert de consolation dans ses conflits passagers avec eux. Le jeune homme qu'elle rejoint les autres week-ends l'ennuie souvent. L'agace à regarder téléfoot le dimanche matin. Mais renoncer à lui serait cesser de communiquer à quelqu'un les actes et les incidents insignifiants de chaque jour, de verbaliser le quotidien. Ce serait aussi ne plus attendre. Regarder les strings en dentelle et les bas dans la commode en se disant qu'ils ne servent plus à rien. Entendre si Sex and Son et se sentir exclu d'un monde de gestes, de désirs et de fatigue. Être privé d'avenir. À ce moment, si elle l'imagine, cette privation l'attache violemment à ce garçon comme un dernier amour. Quand elle y réfléchit, elle sait que l'élément principal de leur relation, en ce qui la concerne, n'est pas sexuel. Ce garçon lui sert à revivre ce qu'elle n'aurait jamais cru revivre un jour. Quand il l'emmène manger au Jumbo, qu'il l'accueille avec les Doors, et qu'ils font l'amour sur un matelas à même le sol dans son studio glacé, elle a l'impression de rejouer des scènes de sa vie d'étudiante, de reproduire des moments qui ont déjà eu lieu. Ce n'est plus pour de vrai, et en même temps, c'est cette répétition qui donne de la réalité à sa jeunesse, aux premières expériences, aux premières fois qui, dans la stupeur de leur irruption, n'avaient pas de sens. Elles n'en ont pas plus maintenant. La répétition comble le vide et confère l'illusion d'un accomplissement. Dans son journal, « Il m'a arraché à ma génération, mais je ne suis pas dans la sienne. Je ne suis nulle part dans le temps. Il est l'ange qui fait revivre le passé, rend éternel. » L'an prochain, elle sera à la retraite. Elle jette déjà des cours, des notes sur des livres et des ouvrages qui lui ont servi à les préparer. Se dépouillant de ce qui a été l'emballage de sa vie, comme pour faire place nette à son projet d'écrire, n'ayant plus aucun motif à invoquer pour le repousser. Elle est tombée sur une phrase du début de la vie de Henri Brûlard. « Je vais avoir 50 ans, il serait bien temps de me connaître. » Quand elle l'a recopiée, elle avait 37 ans. Elle a maintenant rattrapé et dépassé l'âge de Stendhal. L'an 2000 approchait. Nous en étions incrédules, qu'il nous soit donné à nous de connaître cela. On trouvait dommage que des gens meurent avant. On n'imaginait pas qu'il puisse se passer normalement. Un bug informatique était annoncé, un dérèglement planétaire, une espèce de trou noir précurseur de la fin du monde, d'un retour à la sauvagerie des instincts. Le XXe siècle se fermait derrière nous à coups de bilan. Tout était répertorié, classé, évalué. Les découvertes, les œuvres littéraires, artistiques, les guerres, les idéologies. Comme s'il fallait entrer dans le XXIe siècle avec une mémoire blanche. Une sorte de temps solennel et accusateur, nous étions redevables de tout, nous surplombait et nous dépouillait de nos propres souvenirs, de ce qui n'avait jamais été pour nous cette totalité, le siècle, mais seulement un glissement d'années plus ou moins saillantes selon les modifications de notre vie. Dans le siècle à venir, les gens que nous avions connus pendant l'enfance et qui avaient disparu, parents et grands-parents, seraient définitivement morts. Les années 90 qu'on venait de traverser n'avaient pas de signification particulière, des années de désabusement. En voyant ce qui se passait en Irak, que les USA affamaient et menaçaient régulièrement de frappes, où des enfants mouraient faute de médicaments, à Gaza et en Cisjordanie, en Tchétchénie, au Kosovo, en Algérie, etc., il valait mieux ne pas se souvenir de la poignée de main d'Arafat et de Clinton à Camp David, du nouvel ordre mondial annoncé, ni de Eltsine sur son char, de pas grand-chose en fait, sinon des soirs brumeux de décembre 95, lointains, sans doute la dernière grande grève du siècle. Accessoirement de la belle malheureuse princesse Diana tuée en voiture au pont de l'Alma, de la robe bleue de Monica Lewinsky, tachée du sperme de Bill Clinton. Par-dessus tout, de la Coupe du monde de foot. Les gens auraient voulu revivre les semaines d'attente, les rassemblements devant la télé dans les villes silencieuses sillonnées par les vendeurs de pizza, qui conduisaient de match en match à ce dimanche et à cet instant où, dans la clameur et l'extase, on aurait pu mourir ensemble de bonheur d'avoir gagné. Sauf que c'était l'envers exact de la mort. Retrouver le grand abandon à un seul désir, à une seule image, un seul récit. Les jours éblouissants dont les pubs pour Evian et Leader Price avec le visage de Zidane sur les murs du métro étaient les vestiges dérisoires. Il n'y avait rien devant nous. Le dernier été, tout était dernier, arrivait. Les gens s'assemblaient une fois de plus. Ils filaient en voiture vers les falaises de la Manche pour voir la lune obscurcir le soleil en plein midi, s'attroupaient dans les jardins de Paris. Une fraîcheur tombait, un crépuscule. On avait à la fois hâte que le soleil reparaisse et envie de rester dans cette nuit étrange. La sensation de vivre en accéléré l'extinction de l'humanité. Des millions d'années cosmiques passaient devant nos yeux masqués de lunettes noires. Les visages aveugles levés vers le ciel semblaient attendre la venue d'un dieu ou du cavalier blanc de l'Apocalypse. Le soleil réapparaissait et les gens applaudissaient. La prochaine éclipse solaire aurait lieu en 2081. Nous ne la verrions pas. On était passé à l'an 2000. À part des feux d'artifice et une euphorie urbaine ordinaire, il n'y avait rien eu de notable. On était déçus. Le bug prévu était une arnaque. Rien ne changeait que l'insolite du chiffre 2 à la place du 1 qui faisait fourcher le stylo en écrivant la date en bas des chèques. Les socialistes gouvernaient sans relief. Les manifs s'amenuisaient. Nous n'allions plus à celle des sans-papiers. Un petit homme glacé à l'ambition impénétrable, au nom pour une fois facile à prononcer, Poutine, avait remplacé l'ivrogne Eltsine et promettait de buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes. La Russie n'apportait plus d'espoir ni de peur, rien d'autre qu'une désolation perpétuelle. Elle s'était retirée de notre imaginaire, que les Américains occupaient malgré nous, comme un arbre gigantesque étalant ses branches à la surface de la terre. De prime abord, c'était quelque chose qui ne pouvait être cru, comme le montrerait ultérieurement un film où l'on voit George W. Bush sans réaction, tel un enfant perdu quand on lui annonce la nouvelle à l'oreille. Ni pensée, ni ressenti, juste regarder sur l'écran de télévision encore et encore les tours jumelles de Manhattan s'effondrant l'une après l'autre en cet après-midi de septembre, qui était le matin à New York mais resterait toujours pour nous l'après-midi, comme si à force de voir les images, cela allait devenir réel. On ne parvenait pas à sortir de la sidération. On en jouissait via les portables avec le maximum de gens. Chacun cherchait ce qu'il était en train de faire juste à ce moment où le premier avion avait touché la tour du World Trade Center, que des couples s'étaient jetés dans le vide en se tenant par la main. Il n'y avait aucun rapport entre les deux, sinon d'avoir été vivant en même temps que les 3000 êtres humains qui allaient mourir mais l'ignoraient le quart d'heure d'avant. En nous souvenant, j'étais chez le dentiste, sur la route, chez moi à lire. Dans cet ahurissement de la contemporanéité, on saisissait la séparation des gens sur la terre et notre lien dans une identique précarité. Et l'ignorance où l'on était en regardant un tableau de Van Gogh au musée d'Orsay de ce qui se passait à cette seconde à Manhattan était celle du moment de notre propre mort. Cependant, au milieu de l'écoulement insignifiant des jours, cette heure qui contenait à la fois les tours explosées du World Trade Center et un rendez-vous chez le dentiste ou le contrôle technique d'une voiture était sauvée. Le 11 septembre refoulait toutes les dates qui nous avaient accompagnés jusqu'ici. De la même façon qu'on avait dit après Auschwitz, on disait après le 11 septembre. Un jour unique. Ici commençait, on ne savait pas quoi. Le temps aussi se mondialisait. Sans avoir le temps de réfléchir, on entrait dans la peur. Une force obscure s'était infiltrée dans le monde, prête aux actes les plus atroces sur tous les points du globe. Des enveloppes remplies d'une poudre blanche tuaient leur destinataire. Le monde titrait « La guerre qui vient ». Le président des États-Unis, George W. Bush, fallot fils du précédent, élu de façon ridicule après d'interminables recomptages de voix, proclamait la guerre des civilisations, du bien contre le mal. Le terrorisme avait un nom, Ben Laden. Une religion, l'islam. Un pays, l'Afghanistan. Le passage à l'euro distrayait fugacement. La curiosité de regarder d'où provenaient les pièces s'émoussait en une semaine. Il nous semblait si étrange d'imaginer l'Espagne sans les pesetas à côté des tapas et des sangrias, l'Italie sans ses 100 000 lires la nuit d'hôtel. Le temps nous manquait pour la mélancolie des choses. Pierre Bourdieu, l'intellectuel critique que les gens connaissaient peu, était mort. Nous ne le savions même pas malade. Il ne nous avait pas accordé de délai pour nous retourner, prévoir son absence. Un chagrin bizarre courait à bas bruit parmi ceux qui s'étaient sentis libérés en le lisant. On craignait que sa parole en nous ne s'efface comme celle si lointaine maintenant de Sartre, de laisser le monde des opinions avoir raison de nous. L'élection présidentielle de mai n'en apparaissait que plus décourageante. Une répétition de la précédente en 95 avec les mêmes Chirac et Jospin, qui tournaient à la blaire, répugnaient à employer le mot socialiste, mais seraient probablement élus. Puisque personne ne nous représentait, il convenait de se faire plaisir d'abord. Voter était une affaire privée, affective. On attendait la dernière pulsion. Arlette Laguiller, Christiane Taubira ou Les Verts. Il fallait l'habitude, le souvenir d'un très ancien devoir électoral pour se déranger un dimanche d'avril en plein milieu des vacances de printemps. Sauf qu'il y avait un grand soleil et de la douceur, on ne garderait bizarrement aucune trace des occupations de ce dimanche d'avril, des heures qui avaient précédé l'annonce du scrutin, sinon l'attente d'une soirée distractive. C'était donc arrivé. Le diseur d'horreur antisémite et raciste depuis 20 ans. Le démagogue au rictus haineux qui amusait la galerie, surgissait tranquillement et néantisait Jospin. Plus de gauche. La légèreté politique de la vie s'évanouissait. Où était la faute? Qu'avions-nous fait? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu voter Jospin au lieu de Laguiller? La conscience tournoyait, prise dans la béance entre le geste innocent du bulletin dans l'urne et le résultat collectif. On était allé au bout du désir et on était puni. Mais on n'avait pas le temps de penser qu'on était emporté dans la frénésie d'une mobilisation générale pour sauver la démocratie, la sommation de voter Chirac. Assorti de conseils pour garder une belle âme en glissant le bulletin dans l'urne, se boucher le nez, mettre des gants, mieux vaut un vote qui pue qu'un vote qui tue. Sous le ciel gris de la place de la République, noir de monde, derrière les dos d'un cortège monstrueux qui ne décollerait jamais, le doute nous gagnait. On se sentait des figurants engagés dans le tournage d'un film sur les années 30. Il y avait une fausseté consensuelle dans l'air. On se résignait à voter Chirac au lieu de rester chez soi. Au sortir du bureau de vote, on avait l'impression d'avoir effectué un geste décervelé. Le soir, à la télé, en voyant la houle des visages levés vers Chirac, qui hurlait « Chichi, on t'aime !», tandis que la petite main gracile de SOS Racisme ballottait au-dessus des têtes, on avait pensé « les cons ». Ultérieurement, dans la mémoire, il ne resterait de l'élection présidentielle que le jour et le mois du premier tour, 21 avril. Comme si l'élection forcée du deuxième avec 80% de voix ne comptait pas. Est-ce que voter était encore possible? Ce qui avait été annoncé dans les années 70, Debord, Dumont, n'y avait-il pas aussi un roman de Le Clésio? C'était donc produit. Auchan Cergy, à votre service depuis 20 ans. Et encore pour longtemps. Comment avait-on pu laisser faire? Mais les prédictions ne s'étaient pas toutes réalisées, on n'était pas couvert de boutons, la peau ne tombait pas comme à Hiroshima. On n'avait pas besoin de masques à gaz dans les rues. Au contraire, on était plus beau, en meilleure santé. Mourir de maladie était de moins en moins concevable. Il y avait encore de quoi laisser filer les années 2000 sans se prendre la tête. On se souvenait du reproche des parents. Tu n'es donc pas heureux avec tout ce que tu as ? Maintenant, on savait que tout ce qu'on avait ne suffisait pas au bonheur. Ce n'était pas une raison pour y renoncer. Et que certains en soient écartés, exclus, paraissait le prix à payer pour continuer à la majorité d'en jouir. On passait au lecteur de DVD, à l'appareil photo numérique, au baladeur MP3, à la DSL, à l'écran plat. On n'arrêtait pas de passer. Ne plus passer, c'était accepter de vieillir. C'était Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. 9e émission. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Et la voix de Jean-Claude Sachaud. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Les années de Annie Ernaux est publiée aux éditions Gallimard.